Il est midi 55 minutes. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le 18 novembre 2002, la radio Isanganiro commençait à émettre sur le territoire burundais. Ce 18 novembre 2022, il y a de cela 20 ans déjà. Nous fêtons donc notre 20e anniversaire. L'auditeur lambda, les politiques, les gestionnaires de ces stations, tous sont unanimes pour reconnaître sa contribution dans l'édification de la nation burundaise. Vous les entendrez dégager aussi quelques propositions pour l'avenir de cette station qui vient aussi de lancer sa télévision il y a de cela une année. Une sentinelle de la paroisse cathédrale de Ngozi a été tuée par des bandits qui ont volé bon nombre d'objets, principalement des appareils de sonorisation. En actualité sportive internationale, la star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 qui se déroule au Qatar en raison de sa blessure. Voilà pour le sommaire. Bonjour les auditeurs de la radio Isanganiro, chef-lieu de la province Gitega, apprécie positivement les programmes proposés par cette station, mais déplore des coupures momentanées qu'ils observent. Suivez ce micro-trottoir de notre correspondant dans la capitale politique, Gérard Nibikira. Donc les émissions de la radio Isanganiro, premièrement d'abord, ce sont des émissions extraordinaires, agréables aux autres paysans vivant au Burundi. Par exemple, à la radio, il y a des émissions qu'on a écoutées depuis autrefois, notamment le Kunama. Il y a d'autres émissions, notamment le Mulikirukuri, etc. Donc tout ça, ça semble agréablement aux oreilles des autres auditeurs et auditrices. Comme nous sommes dans la voie de développement, j'écoute la radio en ligne, notamment en utilisant ces pages de Facebook. Donc, normalement, pour essayer d'améliorer la qualité des travaux de la radio Isanganiro, moi, je peux juger que les techniciens de la radio Isanganiro doivent multiplier des antennes afin que toutes les fréquences sont possibles à la radio de paysans burundais. Je préférais l'émission des chansons, des journaux. Dans Radio Isanganiro, nous l'aimons, nous tous. Dans Radio Isanganiro, il y a beaucoup à parler. C'était le micro-trottoir dans la capitale politique de Gitega, fait par notre correspondant Gérard Nibigila. Et le parti CNDD-FDD félicite la radio Isanganiro pour ses 20 ans au service de la patrie. La commissaire à l'information au sein de son parti au pouvoir dit reconnaître le rôle des médias dans le développement du pays. Nancy Ninette Moutoni l'encourage d'ailleurs à continuer de faire avancer le pays. On l'écoute. Je prends cette opportunité pour féliciter la radio-télévision Isanganiro à l'occasion de cet anniversaire de 20 ans au service de l'information et de la communication dans ce pays. Au parti CNDD-FDD, nous croyons fermement au rôle primordial et crucial que jouent les médias dans l'accompagnement des mesures et politiques, mais aussi dans l'accompagnement du peuple à être informé pour suivre de près les réalisations, que ce soit des élus, mais aussi pour être informé des étapes de développement et aussi des opportunités qui peuvent être disponibles pour, bien sûr, faire des choix éclairés et avisés. Nous félicitons donc la radio-télévision Isanganiro et nous leur souhaitons de faire un autre pas, de continuer à avancer afin de, bien sûr, contribuer aussi au développement de notre chère patrie. Et d'après Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, la radio Isanganiro a contribué à la promotion du dialogue entre les hommes politiques aux opinions divergentes. Toutefois, Olivier Nkurunziza, qui félicite notre station à l'occasion de ce 20e anniversaire, trouve nécessaire que la radio multiplie les émissions de promotion de l'économie afin d'aider les politiciens à concevoir des projets de société dans ce sens, afin de développer le Burundi. Je vous propose de l'écouter. D'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire à la radio Isanganiro qui vient de passer effectivement 20 ans. C'est une radio qui a vu le jour dans la période où le Burundi, il y avait la crise politique, il y avait des groupes rebelles. Mais avec l'arrivée de la radio Isanganiro, vous avez donné la parole à tout le monde sans toutefois tenir compte des considérations politiques ou des positions politiques. Et la radio Isanganiro a contribué dans pas mal de choses de la vie du pays, soit sur les questions politiques, économiques et socio-économiques du pays, culturelles. Je vois effectivement que même vous avez une émission et vous avez même Isanganiro Award pour encourager les musiciens, les artistes, c'est aussi très important. Et vous touchez presque toutes les couches et toute la vie du pays. Et la radio Isanganiro, effectivement, c'est une radio qui donne des messages très importants dans la vie du pays et vous faites des investigations. Alors, la radio Isanganiro, effectivement, dans la crise qu'a connue le Burundi en 2015, a été fermée quelques jours, quelques mois, mais il a été ouvert après. Et nous vous encourageons toujours, vous avez des émissions, Kunama et d'autres émissions aimées par tous les Burundais. Et alors, ce que nous vous invitons, c'est de continuer à faire des débats sur les questions économiques ici au Burundi, pour inviter les hommes politiques, pour qu'ils viennent débattre et donner des solutions pour que notre pays trouve des solutions durables sur des questions économiques. Vous voyez aujourd'hui, ce qui hante le Burundi, c'est la pauvreté, le chômage galopante. C'est ça, toutes ces questions, votre radio doit contribuer. Et il y avait aussi une émission qui nous intéressait. Vous voyez que nous sommes dans la période de réconcilier les Burundis, où la CVL est en train de travailler partout dans le Burundi. Il faut faire des débats. Et il y avait Ngingi Zubu, je ne sais pas comment on appelait. Et c'était une émission qui témoignait pour des gens qui ont sauvé d'autres. Je pense que vous pouvez penser à cela pour quand même continuer, pour que les Burundis et la génération future savent qu'il y a des Burundis qui ont sauvé les autres, pour ne pas dire que tous les Burundais sont méchants. Olivier Nkurunziza, c'est le président du parti UPRONA. Et Nestor Nkurunziza, qui a dirigé cette radio Isanganiro après en avoir été le premier chef de programme à son ouverture en 2002, nous partage ici l'histoire qui l'a beaucoup marqué lorsque les autorités ont fermé pendant quelques jours la radio parce qu'ils avaient interviewé les personnes qui étaient encore au maquis. Il estime qu'à cette époque, le gouvernement en place ne comprenait pas du tout ce que c'est que la liberté d'expression et bien sûr la contribution de la radio à travers ses émissions. Je me souviens que le 13 septembre 2003, je viens de finir un débat mosaïque. Et à l'intérieur, on avait intégré le représentant du FNL, qui à l'époque s'appelait Palipé Outo aussi. Et donc, après le programme, immédiatement, quelques membres du gouvernement se sont réunis chez le président. Ils ont décidé qu'il fallait fermer la radio Isanganiro. Le ministre est venu et il a dit fermer immédiatement. On a fermé. Bien sûr, je pense que les autorités en ont tiré les leçons, parce que les autres radios se sont mis à critiquer la mesure du gouvernement. Et ils ont cessé de mettre d'autres programmes. On ne faisait que donner la parole à la population pour dire tout le mal qu'ils pensaient de cette mesure. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, le gouvernement dit « Ouvrez, ouvrez la radio ». Et donc, tout s'est normalisé à cette époque. Parce que c'est donc, comme je disais, c'est pas la bataille entre l'ombre et la lumière, hein, mais je pourrais dire que c'est tout simplement que la liberté d'expression, ce jour-là, a été mise en exergue par le fait que, souvent, des autorités ne comprennent pas ce que c'est que la liberté d'expression. Le troisième défi que je vois qu'on avait à l'époque et qui revient encore aujourd'hui, c'était faire face à une concurrence naissante. Et aujourd'hui, elle est là. Mais aussi parfois, on vous chipe les programmes. Vous avez un programme qui est un succès et d'autres radios le prennent. Bon, ça pour moi, ce n'était pas un problème parce que j'étais assez créatif. Je me disais, on abandonne ou on continue, on le fait autrement ou on fait d'autres programmes plus créatifs. Et le quatrième défi, c'était comment faire en sorte que le gouvernement n'ait pas l'impression que vous êtes en train de jouer l'opposition. C'est toujours un problème. Le gouvernement peut avoir l'impression

Les propriétaires des champs de culture proches du site des Batois de Nyamitanga témoignent que depuis que ces habitants ont pratiqué cette agriculture, le volant des champs a sensiblement diminué. Au niveau de l'administration communale Butaganzwa, l'on dit se réjouir des pas franchis par les habitants Batois de Nyamitanga en ce qui est du développement et appelle d'autres Batois des autres collines à les prendre pour modèle. Jean-Vier Kanyana, administrateur communal Butaganzwa, indique que cela a diminué aussi des conflits sociaux, surtout ceux liés au vol dans des chats. Depuis Kayanza, Patrick Senguva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. En bref, en actualité nationale et internationale, 500 millions de capital, le franc burundais, 50 millions de francs bout de caution est une exigence de la Banque centrale pour que les échangeurs de monnaie étrangère démarrent officiellement leurs activités dans une rencontre avec la Banque de la République du Burundi ce vendredi. Ces opérateurs ont exprimé le souhait de voir ces montants diminuer, les devises rendues disponibles. À cette préoccupation, la Banque centrale les invite à s'associer pour constituer ce capital. Une sentinelle de la paroisse cathédrale d'Ongozi a été tuée par des bandits au cours de cette nuit. Après la démolition du mur de cette cathédrale catholique d'Ongozi, ces malfaiteurs ont fait irruption dans la sacristie et ont volé bon nombre d'objets, principalement des appareils de sonorisation. Il s'agit entre autres des baffles, mixeurs, inverseurs automatiques, batteries et autres grands appareils, comme l'annonce le curé de cette paroisse, Tade Nzigamasabo. Il indique avoir déjà informé la police qui a commencé les enquêtes. Abbé Tade Nzigamasabo tranquillise que les messes seront célébrées comme à l'accoutumée, puisqu'aucun objet utilisé dans l'occulte n'a été touché par ces bandits. En actualité sportive internationale, la star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise. C'est le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, qui a officialisé la nouvelle au cours d'une conférence de presse à Doha, au Qatar. Touché au péroné droit avec son club du Bayern Munich, le 8 novembre dernier, le numéro 10 des Lions avait été incorporé dans la liste des Lions pour la Coupe du Monde, mais était resté à Munich pour se soigner. Le sélectionneur Aliou Cissé doit désormais lui trouver un remplaçant. Il a jusqu'à dimanche, puisque le Sénégal débute sa Coupe du Monde lundi contre les Pays-Bas. Et la Corée du Nord a lancé ce vendredi 18 novembre un missile balistique intercontinental qui serait retombé dans la zone économique exclusive du Japon. Un tir qui fait suite à la cinquantaine de missiles tirés ces deux derniers mois par Pyongyang en réponse aux exercices des armées sud-coréennes et américaines. Jeudi encore, la Corée du Nord avait tiré un missile courte portée et promis une réponse féroce au rapprochement militaire entre Séoul, Tokyo et Washington. D'après les informations sud-coréennes et japonaises relayées par RFI, le missile balistique intercontinental aurait atteint une altitude maximale près de 15 fois supérieure à celle de la Station spatiale internationale avant de s'écraser à 200 km des côtes japonaises. Mais le missile pourrait aller bien loin, bien plus loin que l'archipel, car Tokyo estime qu'il serait capable de voler 15 000 km, ce qui signifie qu'il aurait le potentiel de frapper Washington et l'intégralité du territoire des États-Unis. Il est 13h14 à Bujumbura. Et avant de boucler ce journal, je rappelle que la radio Isanganiro fête ses 20 ans. Il a commencé à émettre, c'était le 18 novembre 2002. Et permettez, avant de nous séparer, que je partage cette réflexion de Bertolt Brecht en 1930. Il dit, je cite, « La radio pourrait être le plus formidable appareil de communication qu'on puisse imaginer pour la vie publique si elle savait non seulement émettre, mais aussi mais recevoir, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, mais le mettre en relation avec les autres. » Fin de citation. Nous pensons que sur ce point de vue, nous, en tant que radio, nous accomplissons bien notre mission et l'occasion de s'en féliciter, pourquoi pas. Un joyeux anniversaire donc à nos auditeurs, à nos partenaires et à nous. 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Innocent Bibonimana. Au micro, Jean Bosco, on a passé un très bon après-midi.